Alors voilà, je me présente, Francky, bonjour, si j'ai pas vu, bon, je vais faire bref, hein, parce que je suis blablabla, trop blabla, tu blabla. Donc tout a débuté dans un camping en région parisienne. Donc j'ai un pote qui est arrivé avec son bus anglais, donc il s'appelle Joe Sacco. Donc malheureusement il est décédé, donc c'est un bébé qu'on a créé dans un en plein hiver, dans un camping. Donc lui il était dans son bus et on faisait des soirées pleine lune et un soir on a fait moi j'ai dit bah toi t'es avec ton bus, moi je suis dans ma caravane, donc moi j'ai dit bah moi je suis éphémère et toi t'es mobile. Et donc tout ça a débuté dans un camping, donc on a créé la sauce comme ça dans un camping. Donc on a dit bah pourquoi pas aller voir les gens autour du camping. Donc on a été voir les gens du camping autour et après on a fait bon bah allons voir plus loin. Donc on a été voir les populations qui vivent un peu comme nous. Donc les travelers, les gens qui vivent en yourte, en tipi, et on a fait un tour de France. Donc on a fait un tour de France il y a 8-9 ans de ça en arrière, donc pour faire voir aux gens qui on était, pourquoi on vivait comme ça, notre choix de vivre. Et donc voilà. Et puis là cette année, bah rebelote, le bébé ça a grandi. Donc cette année, ben on refait la même chose. Donc plus on est fou, mieux on rit. Et puis voilà quoi. Si ceux qui veulent venir nous aiment, nous suivent. Ceux qui veulent adhérer à mon choix de vivre, ben venez. Et voilà. Et crions haut et fort à ce putain de gouvernement, des putains de pingouins, je les appelle, qui suivent notre choix de vivre. Voilà. Voilà. Bon, alors, comme son intervention était brève, en fait, je pense qu'il a oublié de dire qu'en fait, c'est parce qu'ils étaient emmerdés dans leur camping qu'évidemment, cette association, ils l'ont créée. Donc, vous savez que dans un terrain de camping, par exemple, on n'a pas le droit, théoriquement, d'y habiter à l'année. Bon, c'est très théorique, hein, parce qu'en fait, on a le droit d'y habiter à l'année. C'est juste qu'en fait, on donne la possibilité aux gérants du camping de vous virer à tout moment en vous donnant aucun statut. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a des normes censées protéger les faibles, et si vous atteignez pas ces normes, eh ben vous êtes exclu de n'importe où, et finalement, on peut se retrouver dans une tente sous un pont, à plus craindre finalement les chaussettes à clous dans les reins pendant la nuit que le froid. Donc c'est cette volonté qu'ils ont eue et que moi j'ai trouvé extraordinaire. Je les ai croisés donc en 2007. Et j'ai décidé de travailler avec cette association. Aujourd'hui, on en est... En fait, chaque année, théoriquement, on fait des rencontres de 4 jours. C'est notre assemblée générale parce qu'on n'a pas une thune. Donc du coup, évidemment, on peut pas se réunir, on peut pas... Donc on fait rien de physique. Donc en fait, on profite d'événements, on s'incruste sur des événements et puis on fait nos CA là. Et puis après, on en crée un une fois par an qui dure 4 jours. Et cette année, l'année dernière, la grande idée, ça a été d'organiser cette caravane. Donc alors bon là comme ça a l'air un peu le foutoir. Ça l'est pas tant que ça, on fait quand même du boulot, on essaie quand même de s'organiser. Donc vous pouvez essayer de vous en rendre compte sur un site qu'on essaye de maintenir à flot tant qu'on peut. Et puis on a pas mal de personnes qui font des travaux dans leur coin, qui ont décidé d'alimenter en fait, de mettre de la matière, de la réflexion, etc. Par contre, il s'agit de garder un mouvement qui est tenu, dont la parole est donnée à ceux qui sont préoccupés quotidiennement par la discrimination, par le mode d'habiter en habitat éphémère ou mobile. Donc cette année, on fait une caravane. L'objectif de cette caravane est de je sais pas si je vais décrire toutes les étapes, donc je vais plutôt en décrire la diversité. En grosso modo, on a commencé ici, on est au milieu d'un télo, il y en a la moitié qui sont dehors, qui comprennent pas ce que vous racontez. Il y en a d'autres qui s'intéressent beaucoup sur certains sujets. Et on va en débattre quand même ce soir, parce que ouais, pourquoi t'as pas voulu rester? Bon, ça discute. J'espère que parmi les copains copines là qui sont là, il y aura des interventions pour témoigner, parce que je suis pas nécessairement le porte-parole du mouvement. D'ailleurs, je ne suis pas. C'est juste on m'a envoyé là, hop, parler. Et donc l'idée, là on est là, on va partir sur un endroit où on a accompagné une lutte, donc des personnes qui sont En fait, en infraction au code de l'urbanisme, donc comme vous savez, il ne s'agit pas de créer des lois à la gomme sur l'urbanisme comme la loi Allure, alors que le problème c'est le pognon. Donc comme le problème c'est le pognon, on n'a pas de terre, on se met sur des terres, on n'a pas le droit d'être, donc on n'a pas le droit de construire dessus. Si vous nous dites, là on va créer des zones où vous avez le droit de faire vos habitats, du coup on n'a plus les moyens d'y être. Donc ce genre de truc, on n'en veut pas. En plus, ça va être les communes qui de toute façon ne veulent pas leurs pauvres, personne ne veut de ces pauvres évidemment, puisque s'il y a des pauvres... En fait, on sait comment fonctionnent les financements des conseils généraux, des communes, etc. C'est avec la pression immobilière, c'est le droit de mutation qui paye aujourd'hui les pauvres sur les départements. Donc il n'y a aucune logique de toute façon d'accompagnement et de sortie de l'histoire. Il n'y a aucun diagnostic qui peut imposer à une commune d'obliger une commune en fait à tenir compte de sa population et donc d'autoriser des installations, disons, spontanées par rapport à un besoin social présent. Donc de toute façon, eux, ils se sont battus, ils ont réussi à gagner parce qu'on les emmerde pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ont un statut, ça fait quelques années. Donc on va y passer, on va faire un peu une historique des luttes de la Dordogne autour de l'habitat mobile avec eux. Ensuite, on part aux formations du DAL. Donc en fait, on est très solidaire de le droit au logement. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent quand même le DAL, qui milite surtout sur l'urbain. On est à la Fédération du DAL depuis 2008, je crois, à peu près, et on porte la question de l'habitat mobile, donc notamment dans les terrains de camping, les problèmes avec les gens du voyage, etc., parce qu'on devient un petit peu expert pour être en soutien sur des luttes. Donc là, on va les rejoindre sur leur formation donc vers Clermont-Ferrand, et puis ensuite, direction la Bretagne, on passe par des luttes qu'on connaît déjà, direction la Bretagne où il y a des réseaux locaux qui se créent, donc comme il y a déjà un ALEM en Ariège, ALEM 09, c'est là où j'habite, il y a un ALM 56 qui va se créer. Ensuite, on va sur une ancienne, enfin, c'est même pas une ancienne ZAD, ils sont plus tellement emmerdés, mais c'est encore une ZAD, c'est quand même Auchan qui est propriétaire des terres, donc là, c'est à Rouen. Donc, où il y a peut-être même des enjeux, si Auchan ne peut pas faire son supermarché, quels sont finalement les conflits d'usage qui peut encore y avoir sur ce genre de terrain, parce qu'il y a différentes catégories sociales qui s'y trouvent. On peut se retrouver, je ne sais pas si c'est le cas là-bas, mais des engueulots entre des écolos et des traveleurs, comme on a vu tout à l'heure, alors que finalement, on ne sait pas qu'est-ce qui est légitime là dans tout ça. Donc nous, on va y aller, on va parler donc un peu de notre fil conducteur, qui est en fait d'imaginer la création d'un projet de loi populaire. Donc qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça n'existe pas. En droit, ça n'existe pas. Les Espagnols ont un truc qui ressemble un peu, mais ça veut dire qu'il faut avoir 2 500 000 personnes qui signent une pétition pour que le Parlement veuille bien en parler. C'est ça qu'ils appellent un projet de loi populaire. Donc on va le faire quand même. On fait un projet de loi populaire, on en a marre, on s'est tellement fait avoir avec tous les projets qu'il y a, soit 10 ans, ça va être bien pour nous, on vous écoute, on vous appelle dans des réunions. C'est toujours, excusez-moi le mot, mais c'est de la merde. Donc ça nous sert à rien, voire au contraire, ça va permettre de créer des zones de relégation, on va enfermer des gens, les stigmatiser dans des endroits où on les verra pas trop. Ensuite, on part en Belgique. Où là il y a des mouvements qui se sont déjà fait avoir par des projets à peu près similaires qui s'appellent les plans HP. Je vous invite vraiment à regarder comment finalement on traite les personnes qui ont trouvé comme solution donc à la crise du logement qu'on connaît le fait d'habiter dans des terrains de camping, s'aménager des trucs un peu chouettes pour eux où ils commencent à être beaucoup mieux. Et ben finalement on va sous couvert d'accompagnement social parce que ces gens-là ça peut pas ils savent même pas ce qui est bien pour eux en fait, ils en sont à un point où finalement faut même peut-être leur apprendre à torcher leur bébé, j'ai entendu ça hier je crois sur une intervention. On va les aider quoi, c'est ce regard un peu comme ça caritatif, un peu insupportable qui devient en fait on retire toute dignité aux personnes. Donc on combat et dans ALEM ce qui est une des grandes lignes, c'est le redéterminisme en fait. Si on se réapproprie nos vies, on subvient à nos premier besoin et après on veut bien réfléchir comment on vit dans cette société, mais d'abord on nous donne ça, on nous permet de le vivre. Ensuite on descend sur un endroit où c'est des SDF qui là, alors ils sont rigolos, ça s'appelle le 115 du particulier, c'est à côté de Sens. Et là, il y a une bande de personnes qui n'ont pas de problème donc sur le foncier. Ils sont propriétaires. Par contre, ils ont mis des caravanes, des trucs qu'ils n'ont pas le droit de mettre. Et disent, ils ont qu'à y venir avec leur code de l'urbanisme. Nous, on dit qu'on fait de l'assistance à personne en danger et on mènera le combat jusqu'au bout. Donc, on amène en fait ce regard de l'urgence et de la manière de l'auto. On s'autogère nos vies avec cette urgence. Je ne sais pas si j'étais très clair sur ce coup. Et en tout cas, ils sont super. Alors, le truc d'ailleurs rigolo, parce que je voulais quand même apporter cet exemple, c'est beaucoup plus facile de nous organiser avec eux que de nous organiser aux étapes suivantes ou aux étapes où il y a des gens qui sont déjà d'une catégorie sociale, où ils ont les capacités de communiquer, etc. Enfin, ils ont de la force pour communiquer parce qu'ils connaissent les outils qu'il faut, ils savent, ils connaissent les termes, ils peuvent intervenir comme moi, je suis en train d'intervenir devant une salle. Donc... Et ce qui est curieux, c'est que tout de suite, ils nous disent « Oh là là, mais attends, vous n'avez pas de pognon, on va faire un concert de soutien. On vous fait une super bouffe quand vous arrivez, vous avez les pieds sous la table. » Les autres, il faut se bagarrer, quoi. C'est de l'autogestion, etc. Il faut qu'on arrive à faire un peu des sous avant d'y arriver. Et en fait, quand on répond au téléphone régulièrement à des gens qui sont ennuyés par leur mode d'habiter, c'est pareil, c'est le gars dans son mobilhome qui, alors vraiment, il y connaît, mais alors rien en réglementation. Je fais plus court, désolé. Tout de suite, il dit comment on fait pour adhérer, c'est quoi le truc, comment on fait pour être avec vous dans le combat, et etc. Alors que la plupart du temps, la personne qui dit voilà, j'ai acheté un terrain pour mettre ma yourte, c'est plutôt pas mal, catégorie sociale, personne qui va remplir elle-même ses dossiers, elle a déjà eu des débats avec le maire, etc. Elle est là en consommatrice avec l'association. Donc on a vraiment ce truc assez étonnant et ce truc auquel je tiens énormément, qui est ben, on prend la parole et on se débrouille, on va faire nous-mêmes ce qu'on a à faire et on revendiquera nos fautes d'orthographe et ce sera très bien comme ça. Il y a d'autres étapes, hein, mais vous pouvez aller voir sur le site. Voilà. Peut-être quelqu'un d'autre de l'asso peut parler ou veut parler ? Et non, personne d'Alem qui a eu envie de s'exprimer. Que dire ? Donc, vous l'aurez compris, on s'écoutera au fur et à mesure toutes ces rencontres dans différents micros verts prochains. Dire aussi que, par exemple, l'habitat léger, ça peut être une caravane, une tente, tipi, roulotte, yourte, cabane. Vous voyez tous ces habitats qu'on dit alternatifs. Hein, alternatifs à quoi ? À la grosse maison en dur en brique là que tout le monde connaît bien et que c'est comme ça qu'on vit en gros en Belgique, mais on verra qu'en France c'est galère aussi. Enfin moi j'ai pas fait un tour du monde là pour savoir comment ça se passait ailleurs, mais c'est galère. Ça me rappelle cette vieille histoire des cowboys et des indiens, vous voyez, les indiens qui vivaient dans les plaines comme ça en pleine harmonie avec le ciel et la terre, et puis les cow-boys qui sont venus les déménager, enfin qui ont construit d'autres manières d'habiter, de penser, de manger, de croire. Enfin voilà, ouais, c'est toujours le même un peu la même philosophie comme ça de pouvoir, quoi, de dominer, de mettre en place une manière d'être, et c'est comme ça qu'il faut être. Enfin soit, on verra ça dans les différents micros ouverts prochains. Alors tout de suite, là maintenant, place à Amadou, rencontré par Gaëla Loiseau. Gaëla Loiseau qui est doctorante sociologue au Havre. Hein, moi je ne la connais pas personnellement, elle suit Alem de près de loin, ça c'est sûr. Et moi je l'ai rencontrée par ce biais-là. Je ne connais pas plus Gaëla Loiseau, mais ça donne une petite dame comme ça, très dynamique, sympathique, vraiment chouette. Cette dame a pris du son, c'est elle qui a enregistré ce qu'on va entendre là maintenant, avec Amadou. Alors, sujet vraiment énorme, horrible, c'est évidemment dans le cadre d'une radio comme celle-ci qui peut vraiment prendre le temps d'écouter les gens. Hein, c'est ça aussi un créneau important à soutenir, quoi. Ces radios qui sont libres pour le moment. Hein, je ne sais pas comment sera le futur, parce qu'avec tout ce qu'on entend là en ce moment, ça craint un peu. Mais pour le moment, c'est des radios libres et on laisse le temps à la parole de s'exprimer. Et donc Amadou va prendre le temps d'expliquer son périple. Amadou, malien, décide de tout quitter et de miser sur l'Europe. Alors vous l'aurez compris, il prend pas l'avion, hein, Amadou. Envie aussi de dire que faisant état de plus de 40 000 victimes depuis 2000, L'Organisation internationale pour les migrations appelle les gouvernements du monde entier à lutter contre ce qu'elle décrit comme une épidémie de crimes et de victimisation. Notre message est clair, des migrants meurent et leur mort peut être évitée, a déclaré William Lassie Swing. William Lassie Swing, hein, quelque chose comme ça. Directeur général de l'Organisation internationale pour les migrations. Avant d'ajouter, et ça je trouve que c'est important, c'est pour ça que je cite, il est temps de faire plus, hein, il est temps de faire plus que compter le nombre de victimes. Il est temps d'appeler le monde entier à arrêter cette violence à l'encontre de migrants désespérés. Ça pose aussi toutes les questions de notre état du monde, hein, de tous ces enjeux économiques qui se jouent, dont on n'est pas toujours au courant. Quel est ton niveau d'études d'abord? Je lui ai dit, bon, je ne suis jamais allé à l'école. Il a dit, mais est-ce que tu peux apprendre des cours du soir? Au moins, tu apprends à lire et écrire. Il dit, d'accord, si tu veux, il y a une école de cours du soir, tu vas aller apprendre. Déjà, tu parles le français. Parce que quand je suis quitté de la Côte d'Ivoire, je parlais déjà le français. Alors, je suis allé, il m'a inscrit au cours du soir. J'apprenais à écrire et lire un peu. Voilà quoi. Mais au bout de 6 mois, lui aussi, il avait eu des problèmes à la banque. Donc il a été arrêté parce qu'il avait fait des détournements. Donc il a été arrêté. Il n'y avait personne pour payer encore mes cours, quoi. Et pendant ce temps, moi je dormais en ville. Hein. Je dormais. Tu sais comment je dormais? Quand je quitte à l'entraînement, je reste à l'entraînement parce que, au fait, l'ami de mon père, lui, rentre à la maison à partir de 19h. Moi je venais à la station dormir avec le gardien. Voyez-vous? Et le matin, je sortais, quoi. Pour aller en ville. Et alors, me débrouiller avec mes trucs de cirage. Et le soir, j'allais à l'entraînement. La nuit, j'allais à l'école. Mais au bout de 6 mois, j'avais arrêté d'aller à l'école, quoi. Et un jour, je suis allé à l'entraînement. J'ai trouvé des amis qui étaient en train de parler. Et ils étaient en train de parler qu'il y a des jeunes qui sont partis en Algérie par la voie terrestre, voilà. Moi, j'ai écouté ce qu'ils ont dit. Tout de suite, moi, ça m'intéressait, quoi. Ils disent, mais de là-bas, ils veulent continuer à aller en Europe, à pied, si c'est possible. Après, ils continuent au Maroc, et puis ils rentrent en Espagne, quoi. Et il y a d'autres qui vont aussi vers la Libye et rentrer en Italie, quoi. Moi, ça m'a beaucoup intéressé. Alors, après, je les avais demandé, mais il faut combien comme ça pour aller? Ils disent, mais ils ne savent pas. Et ils sont partis, j'ai commencé à penser à ça. Ils disent, mais moi, je vais trouver de l'argent, et puis voilà. Faut que moi j'aille, quoi, sinon vraiment. Tu voulais faire quoi là-bas dans ta tête? C'était quoi qui... Je voulais aller aussi en Europe, quoi. Pour faire quoi? Pour jouer. Pour faire du foot? Ouais. J'ai commencé à penser à ça toute la nuit, quoi. Maintenant, comment trouver de l'argent? Alors, je suis allé à l'entraînement, j'ai dit à l'entraîneur, il dit, pour le moment, je ne vais pas venir à l'entraînement. Il faut que je trouve de l'argent. Je vais aller au Maghreb, après je vais continuer en Europe si je peux. Il a dit non, c'est dangereux. Il y a des gens qui meurent dans le désert. Voilà, voilà. Je n'ai pas écouté, quoi. J'ai dit non, mais je préfère aller. Et je n'étais pas venu à l'entraînement le lendemain. Donc je passais toute la journée à se promener à la ville, à cirer les chaussures. Et j'ai gagné un peu d'argent, j'économisais. Au bout de 3 mois, j'avais 130 000 francs d'économie, quoi. Donc pendant les 3 mois, t'as pas du tout été à l'entraînement? Non, je suis pas allé à l'entraînement. Tu faisais que travailler? Travailler. J'ai économisé 130 000 francs. En ville ici, je dors dans les escaliers, je mange n'importe comment. Voilà, quoi. Je me fous. Et après, tu en parlais à tes amis? Qui était au courant de ton projet? Le projet, un seul ami. Un seul ami? Ouais. Et lui, il voulait venir avec moi, mais moi, je ne lui faisais pas confiance. Parce que physiquement, moi, je ne lui faisais pas confiance, quoi. Mais j'avais confiance qu'à moi, même moi seul, quoi. Il a dit non, reste. Alors, par fini, c'est avec lui que je dormais, parce que lui, il avait un petit salon de coiffure, quoi. Lui, il coiffait les gens dans les petits kiosques, je ne sais pas. Donc, par fini, c'est avec lui que je dormais. Et finalement, j'avais même appris à coiffer avec lui. Par fini, quoi. J'étais devenu coiffeur aussi. Alors, un jour, j'avais dit, voilà, je suis parvenu à économiser une somme de 130 000 francs. Je crois que je vais partir. Voilà, je vais prendre quelques affaires. Mes protèges tibia, les maillots, les chaussures, mais le reste d'habits, tu vas les garder, quoi. Moi, je ne vais pas amener beaucoup d'affaires. Il a dit, non, reste. Ils ont dit que c'est dangereux au désert. J'ai dit, mais je vais quand même. Que ça passe ou ça casse. L'argent que tu avais économisé, tu le gardais où? Dans ma poche. Tu avais tout dans ta poche? Dans ma poche. Tout le temps? Tout le temps. Et un matin, je me suis levé, il dit voilà, c'est le départ comme ça. Il a dit c'est vrai, il dit ouais. Il m'avait accompagné jusqu'à la gare routière de Bamako. Je suis allé, j'ai emprunté un car de Bamako jusqu'à Gao. À l'approche de Gao, il n'y avait pas de pont à ce moment-là. On devait descendre de car et emprunter le bac pour traverser le fleuve, quoi. D'accord, le bac. Le bac, oui. Donc, j'avais rencontré un autre jeune, lui aussi, il partait comme moi, quoi. On avait causé. Alors, moi, j'ai dit, ouais, moi aussi, je pars. Donc, on était déjà arrivé à Gao. Quand nous sommes arrivés à Gao, on était ensemble, quoi, parce qu'on était dans le même bateau déjà. Donc, quand nous sommes arrivés, on a commencé à se renseigner, comment s'y rendre. En fait, il y a des passeurs qui sont au Gao et ils cherchent, ils ont des jeunes qui cherchent des clients pour eux. Ouais, donc, nous, on s'est renseigné, on a rencontré un jeune, il a dit qu'il ouais, connaît un passeur ici, qu'on l'appelle américain, qui lui peut nous amener. Quand tu emmènes des clients, tu as un pourcentage, quoi. Lui, il nous avait amené, tu l'as dit, on est arrivé, ils ont dit voilà. Pour aller en Algérie, ça coûte 35 000 francs CFA, chacun. Et d'accord, nous, on va. Ils ont dit d'accord, payer. Alors, on a payé les 35 000 francs. Et le gars ne nous a pas donné le reçu. Nous, on a réclamé un reçu. Il dit non, ici, il n'y a pas de reçu. Tu payes, tu t'assois. Le départ, c'est à 21h. Mmh. Alors, nous, on était assis à 21h. On a vu plein de gens qui sortaient dans une petite chambre. Ils étaient tous des anglophones, des Camerounais, des Nigériens, des Ghanéens. Ils étaient au nombre de 23 personnes. Il y avait 4 filles. Nous, plus nous, ça faisait 25 personnes. T'as vu? Alors, 21h maintenant, nous avons été embarqués dans une voiture BJ. Tu connais BJ là? Et 4x4 Bachil. 4x4. Bachil. Voilà, on était nombreux dedans, superposés. Voilà, on a pris... Assis, voilà, l'un après l'autre, quoi. On devrait faire des kilomètres et des kilomètres comme ça. Et dans la journée, d'abord, ils nous avaient dit d'aller à payer de la nourriture et de l'eau pour la route, quoi. Nous, on ne savait pas combien de distances on devrait parcourir, quoi. Moi, je suis là, j'ai pris un bidon de 4 litres avec des paquets de biscuits, du lait pour mettre dans mon sac, quoi. Voilà, on a emprunté la route à 21h. On est sorti, on est sorti doucement comme ça en cachette. Parce qu'eux aussi, ils se cachent aux forces de l'ordre. Ouais. Ils empruntent des passages détournés. Détournés, ouais. Il y a des routes clandestines, quoi. Ils sont sortis avec nous. Voilà, on a pris la route, on a emprunté le Sahara. Donc vous là-bas, vous pouviez voir quand même le paysage. Le paysage, c'était dans la nuit, on ne voit rien. Mais c'était ouvert, quoi. C'était ouvert, oui. Mais on ne voit rien dans la nuit, quoi. Donc ils sont partis avec nous jusqu'à environ de minuit, je ne sais pas, comme ça, 1h du matin. Ils ont dit que voilà, on va rester ici, on va passer le reste de la nuit, quoi. Alors à 5h du matin, on nous avait réveillés tous. Ils ont dit voilà, on va marcher. Il y a trop de sable, le véhicule ne peut pas rouler avec les gens. On avait nos petites affaires dans le véhicule. Nous, on a commencé à marcher, marcher, marcher, marcher, marcher. On a marché durant toute la journée. On est arrivé dans un endroit aux environs de 18h comme ça. Ils ont dit voilà, vous pouvez monter ici, la voiture peut rouler avec nous. On a roulé, on a commencé à rouler avec dans le sable, doucement, doucement, doucement, doucement, doucement, doucement. Jusqu'à aux environs de 2h encore. Ils ont dit bon, on passe la nuit ici. Le matin, le passeur, il nous a dit bon, chacun amène telle somme, sinon je ne bouge pas. Alors qu'on avait déjà payé. Tu vois? En fait, tu ne sais pas pour jusqu'à où tu payes quand tu c'était payes. Jusqu'à pour l'Algérie. On était encore dans le territoire malien, mais on ne sait pas où on était. Ce sont eux qui savent maintenant où nous sommes. Et on peut être abandonné par eux si on déconne. Et eux, ils parlaient quelle langue? Ils parlent le français. Ouais. Bambara? Non, pas Bambara, ils parlent le français. Et puis quelques mots en Touareg. Non, Touareg, ils parlent le Touareg. Et puis. Tamashek, voilà. Tamashek, et puis le français, quoi. Alors ils ont dit, bon, amenez telle somme, chacun. Sinon, on ne peut plus continuer. Donc, c'était à 2500 par 25 personnes. On avait économisé cette somme, on l'avait donnée, on n'a pas le choix. Il y a des gens qui se sont fait abandonner comme ça, dans le désert, ils sont tous morts. Parce que quand tu commences à déconner, tu dis, voilà, on a payé, on ne va pas payer encore. Voilà, là, on ne dit rien, la nuit, on vous laisse, on vous amène jusqu'à quelque part. La nuit, pendant que vous êtes en train de dormir, paf, ils sont partis. On vous laisse, vous êtes abandonnés comme ça. Il y a des gens qui se sont fait tuer comme ça. Nous, on nous a raconté toutes ces histoires là-bas avant à Gao, quoi, avant qu'on parte. Donc, du coup, nous, on a payé, on a repris la route. Et on a, après 3 jours, ils ont dit bon, et que c'est le véhicule, on ne peut plus aller avec nous. Chacun va prendre ses petites affaires, le reste à pied. Lui, il est avec nous, le guide. Lui aussi était à pied, tout le monde. Il y a un guide maintenant avec nous, les autres se sont retournés là-bas avec le véhicule. D'accord. Nous, on a marché. Quand il y a des gens qui ne pouvaient plus marcher. Et le guide, il était toujours devant. Toujours. Nous, moi, quand même, j'étais toujours avec le guide. Un pas, il fait un pas, je fais un pas. Mais il y a des gens qui ne tenaient plus. Donc, quand tu ne tiens pas, on ne t'attend pas. J'étais jeune, j'avais 19, 20 ans comme ça. D'accord. J'étais en 99. Et les gens qui étaient avec toi? Ouais, il y avait des gens de mon âge, il y avait aussi plus âgés que moi, quoi. Voyez-vous? Et on avait laissé des gens là, quoi, dans le désert, parce qu'on est arrivé dans un petit village de Touareg. Alors, il y a des gens qui ont abandonné, quoi. Alors, nous, on a continué avec le guide. On est arrivé dans un endroit où lui aussi, il s'est arrêté. Il a demandé à ce qu'on repaye. Il a demandé à chacun encore 2500, sinon il ne peut pas continuer avec les gens. Vous avez vu, on est arrivé quelque part, lui, il s'est arrêté, il a dit... Il faut que chacun amène telle somme, sinon il ne peut plus continuer avec nous, quoi. On était déjà en plein désert, on ne peut rien faire. Alors, on avait cotisé, on lui a donné cet argent. Il a continué avec nous. On a marché. On avait fait 2 semaines de route déjà. On n'avait plus de nourriture. Et notre eau était finie. Maintenant, et lui, il a dit que bon, il connaît un endroit où on pouvait avoir de l'eau, quoi. Un lac, quoi, je sais pas, dans le désert. Il a dit qu'on pouvait trouver de l'eau. Et alors, il était devant nous, il était en train de chercher et là où se trouvait le lac, quoi. On avait le trouvé, mais aux environs de 2 heures comme ça, il n'y avait pas grand chose encore dans le trip. C'était que de la boue, mais on a commencé à crier le sable avec nos mains, quoi. pour qu'on puisse trouver de l'eau. On a trouvé de l'eau, mais c'était l'eau sale, quoi. C'est là que tous les animaux du Sahara venaient boire, mais il n'y avait pas grand-chose encore. C'était presque fini. Nous, on avait creusé, on avait pris avec nos bidons. Quand on prend avec nos bidons, on met nos t-shirts sur le bouchon de l'autre bidon, on filtre ça, et puis voilà, on boit, quoi. Donc, il n'y avait pas à manger encore. On avait cette eau-là. On a fait 6 jours comme ça de marche avec cette eau-là. Il n'y avait pas à manger. On avait fait 6 jours comme ça, on n'avait pas mangé. Et on s'est laissé. C'est-à-dire que ceux qui ne tenaient pas, on les a laissés au désert et on est parti. Dans les villages ? Ouais. Vous les laissez dans les villages ? Dans le village, on part. Au fur et à mesure qu'on avançait, le groupe diminuait, quoi. On a marché, on a marché, on a marché. Un jour, on est arrivé dans un endroit. On a trouvé des gens comme nous qui étaient tous morts. Ils étaient tous morts. On a trouvé des gens comme nous. Ils étaient avant. Ils étaient morts. Ils étaient morts. Vous avez vu des cadavres humains, on a vu. Ils étaient morts avec les petits sacs. On ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'ils étaient abandonnés. Ou bien ils sont morts le soir. Ou bien de faim. Je ne sais pas. Nous, on avait fait 6 jours. C'était 5 jours, ce jour-là, on n'avait pas mangé. On a gardé le silence, on est passé. Voilà, et le guide, il a dit, t'as vu, ils sont morts. Mais lui, il ne parlait pas bien le français, il ne nous a pas donné beaucoup d'explications. On est passé, on a marché une journée encore, une nuit. Aux environs de 23h, on est arrivé dans un village qu'on appelle Khalil. Khalil, c'était au 6e jour dans la nuit. Quand nous sommes arrivés là, on a trouvé une femme qui était en train de vendre du riz. Il y avait une boutique qu'on pouvait trouver au coca. Et on est allé, le plat de riz, c'était à 400 francs. On a acheté du riz. Il y avait un parmi nous, lui, il avait tellement faim. Après avoir passé 6 jours sans manger, il a mangé. Moi, j'ai pris une cuillère, deuxième cuillère, ça ne passait pas, quoi. Ah ouais. Je suis allé acheter un coca. Je suis allé m'asseoir comme. C'est là que le guide devrait nous laisser, quoi. Ah. C'était là qu'il devrait nous laisser. D'accord. On était déjà en Algérie, quoi. Alors, moi, je suis allé m'asseoir comme ça, au chevet d'un mur, quoi. J'étais avec ma bouteille de coca, j'ai bu un peu et après je me suis couché par terre là-bas, j'ai commencé à dormir, j'étais très épuisé. Et l'autre qui avait mangé, après il avait mal au ventre et après il est décédé, oui, il est mort, comme ça. Le lendemain matin, on l'avait trouvé mort, alors les gens de là-bas ils ont dit que voilà, prenez votre cadavre, vous allez l'enterrer. Nous, on disait qu'on ne le connaît pas, on s'est rencontrés au désert, on est venu, on ne va pas le prendre. Voilà, c'était vraiment... Ils disent non, il faut le prendre. Donc, nous, on n'a pas voulu, on ne sait pas. Et moi, j'avais rencontré encore d'autres jeunes dans ces villages-là. Donc, quand nous sommes arrivés dans ces villages-là, et ceux qui devraient aller vers le Maroc, c'est là qu'on devrait se séparer. Ceux qui devraient aller vers la Libye, c'est là qu'on devrait se séparer, quoi. Donc, dans notre groupe... Moi, j'étais seul à aller vers la Libye, quoi. Tous les autres voulaient aller vers le Maroc. Mais moi, j'avais trouvé d'autres jeunes là-bas, que leur argent était fini depuis il y a longtemps. Ils étaient en train de faire n'importe quoi dans le village pour trouver de l'argent. Ils étaient 7 personnes. Ils étaient tous des Sunniqués. Tous. Alors, ils avaient un peu d'argent. Maintenant, eux aussi cherchaient un moyen pour se rendre à Tamara 7. T'as entendu parler de Tamara 7, non? Alors, moi, je me suis joint à eux. Et on a trouvé un Touareg, il avait une voiture de 4x4, il a dit d'accord, je vais vous emmener, mais chacun paye 10 000, c'est pas. On a cotisé, chacun a amené 10 000, on l'a donné. Donc aux environs de 11h dans la journée comme ça, on était parti laisser les autres avec le cadavre là-bas. Nous on est parti. Bye. on est parti. Mais toi, tu voulais aller vers la Libye? Je voulais aller en Libye et aller en Italie, c'était mon objectif, quoi. Alors, notre chauffeur, celui qui connaît la région, nous, on ne connaît pas. Lui, il sortait avec nous sur une route que nous, on ne connaît pas. Et à cette route-là, c'est un endroit qui est surveillé par l'armée algérienne. Parce que c'est là où ils enlèvent, ils ont l'air sur sol là-bas. C'est parce que c'est pétrole ou bien c'est quoi. C'est que si on passe par là-bas. Mais c'est le chemin qui est plus court pour atteindre la Tamarcette. Lui, il voulait se cacher pour passer avec nous, quoi. En traversant l'endroit là, qui est surveillé là. Nous, on ne sait pas que c'est surveillé. Celui qui vit là-bas. Il voulait se cacher pour sortir, quoi. Donc, nous, on était dans la voiture, on partait, on a roulé, on avait décollé aux environs de 11h de la journée. On était en train de partir. En pleine nuit, on arrivait au milieu des collines comme ça. Il y a les lumières qui sont sorties à gauche, à droite. Ils étaient en train de dire, si vous bougez, on tire. Arrêtez-vous, si vous bougez, on tire. Si vous bougez un tir, il y avait les lumières braquées sur nous. Mmh. Moi, j'étais couché même dans la voiture. Ils sont venus avec les fusils. Moi, j'étais couché. Il a pris le bout de fusil là. Il m'a mis sur le dos. Boum! Debout! Moi, je me suis levé. J'ai sauté. Je me suis levé. Ouais, ils ont dit, où sont vos passeports? Où sont vos passeports? Nous, on les a donné nos passeports. Ils ont trouvé qu'on était tous des Maliens. Ils étaient découragés. Ils ont dit, ah, c'est les Maliens. Tu vois? Mais, ils ont eu un peu pitié. Voilà, en fait, voilà. Donc, ouais. Mais nous, on a été transférés dans l'air cargo. Ah. Et maintenant, l'autre chauffeur, on l'avait amené quelque part, on ne sait pas où. Bon, nous, on a été conduits maintenant dans l'air camp, au milieu de 2h là-bas. Quand nous sommes arrivés aux environs de 2h du matin, alors, ils nous ont fait coucher par terre. Il y avait quelqu'un qui était, nous surveillait avec des fusils, on était couchés par terre, jusqu'à le matin. Le matin, moi, j'avais envie de pisser. Alors moi je disais à mes camarades, mais j'étais en train de dire en bambara quoi. Souvenez-vous, ils ont dit de ne pas parler, sinon je vais aggraver la situation. Ils ont peur quoi, en fait. Et ils ne parlaient pas autre langue que le bambara. Mmh. Et c'est moi qui parlais le français. Mmh. Moi j'ai dit, j'ai envie de pisser. Je veux pas que je dise que j'ai envie de pisser. Et le gars est venu avec son fils, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Moi je lui avais dit, mais moi j'ai envie de pisser. Je lui ai dit, pourquoi moi je dis ça. Il m'a dit, tu as envie de pisser? Il dit oui. Il m'a dit, debout. Je me suis levé, il était derrière moi avec son fusil. On est allé dans une toilette, dans l'air camp là-bas. J'ai commencé à pisser. Il m'a demandé, mais où est-ce que vous allez? Moi, je lui ai dit, mais nous, on partait à Tamarcette. Mais nous, on ne connaît pas le chemin. Nous, on l'a payé pour qu'il nous amène. Il a dit, mais on ne nous a pas dit qu'ici, c'est interdit. Il dit, mais nous, on ne sait rien. Nous, sommes des étrangers. C'est lui qui nous a pris dans la voiture. On a payé. Alors, il a dit que ça coûte des gens comme nous, comme ça, et ils sont là. Lui, ça lui fait 2 nuits qu'il ne dort pas. Il n'était pas content, en fait, de nous, quoi. Mmh. Et moi, j'ai dit, mais nous aussi, on ne savait pas. Mmh. Après, quand on a fini, quand j'ai fini de pisser, il m'avait accompagné dans les autres groupes, quoi. Quand ils sont arrivés, les autres aussi, ils avaient envie de pisser, mais ils avaient peur de dire. Ils voulaient que moi, je dise ça à l'air, quoi. J'ai dit, non, je ne dis pas. Disez-vous-même. Et ils sont restés, ils n'ont pas pu dire que j'ai envie de pisser. Mmh. À 8h, le chef était venu. Le chef de l'armée algérienne, là. Il s'était venu. Nous, on était assis par terre. Il avait notre passeport comme ça. Il est venu. Quand il prend le passeport, il appelle le nom. Tu te lèves, tu viens. Et moi, c'est Amadou Keïta. Il y avait un autre qui s'appelait Madi Keïta. Il avait appelé Madi Keïta. Moi, je n'avais pas bien entendu. Moi j'ai répondu quoi. Il m'a dit passe là-bas. Il a appelé les autres. Après il a dit Amadou Keïta. Et moi j'ai répondu encore. Il s'est tourné vers moi. Il a dit mais comment se fait-il que vous portez le même nom? Il dit non, ce n'est pas le même nom, mais c'est Amadou Keïta. Et l'autre peut-être c'est un autre nom, mais moi c'est Amadou Keïta. Il a vérifié le passeport. On a trouvé que l'autre c'est Madi Keïta. Moi c'est Amadou Keïta. Voilà, moi c'est moi qui n'avais pas bien entendu le nom quoi. Après maintenant, ils ont fini d'appeler les noms. On nous a fait monter encore dans notre cargo. Nous avons été amenés maintenant dans notre camp. Mais ça, c'est à la police. On a été enregistrés là-bas. Quand nous sommes arrivés, ils m'ont dit de laver leur véhicule. Que à chaque fois, c'est moi qui parle. Alors moi, j'ai lavé le premier véhicule. et je leur ai dit d'amener l'autre. Pour leur faire croire que ça ne m'a pas du tout du mal. Quoi. Ils avaient amené le deuxième, j'avais fini, j'avais demandé encore le troisième. Et le chef, il dit, mais il est venu, quand j'étais en train de laver, il me dit, mais où est-ce que vous allez? Moi, je dis, mais nous, on part à Tamarafet. Il dit, mais vous partez à Tamarafet, il n'y a pas de travail. Il dit, mais peut-être que ça sera mieux que chez nous, parce que chez nous, il n'y a rien. Même quand tu trouves au minimum, tu ne gagnes rien. Moi, je dis ça. Alors, je lui ai demandé, mais est-ce que vous allez nous lâcher? Ils ont dit, on va vous lâcher, mais pas maintenant. Ils ont dit à 11h. Maintenant, à 11h, ils sont venus, ils ont dit, bon, vous allez donner 10 000 chacun, encore. On va vous mettre dans une voiture, il va vous amener jusqu'à quelques kilomètres de Tamarafet. Vous allez vous débrouiller à pied pour rentrer. Alors, nous avons été amenés comme ça. On a payé les 10 000 à 11h. Ils ont mis le véhicule, on est monté. On est allé jusqu'à l'approche de Tamarafet. Nous avons été laissés, on a marché, on est arrivé aux environs de 18h comme ça. On avait vu un noir, on ne savait pas où aller au fait. On avait vu un noir, on s'est dirigé vers lui. Lui, il ne voulait pas nous écouter, quoi. Il ne voulait pas s'approcher à nous, quoi. Alors, on l'a laissé. On avait vu un autre noir, lui, il était sénégalais. On a parlé, il a dit, d'où venez-vous? On a dit au Mali, il dit, bon, il y a le foyer de Malien qui est là-bas. Allez-y là-bas. On est allé, on est arrivé, on a trouvé le propriétaire de foyer, il s'appelle Fadjala. Il a dit, avant de rentrer d'abord, vous payez 2 000 francs. Ça, c'est d'abord le bonjour. Quoi. Parce que lui, il est là pour ça. Il prend une maison, quand les gens arrivent du Sahara, il les accueille. C'est comme ça, lui aussi, il gagne. Quoi. Et sa femme prépare à l'intérieur, il vous vend ça. Quoi. Pour les Maliens. Et il y a encore les foyers des Sénégalais. Et le foyer, voilà. Le foyer du Nigérien, comme ça, comme donc ça. Donc là, on est dans... En Tamarafet. On est dans Tamarafet. On est en Tamarafet maintenant. T'as vu? Dans le foyer, là, j'ai trouvé plein de jeunes. Ils étaient là, ils n'avaient plus l'argent pour continuer le chemin. Ils étaient en Tamarafet. Ils faisaient n'importe quoi pour trouver de l'argent pour continuer le chemin. Quand je suis rentré, j'ai trouvé, ils étaient là tout seul. Les cheveux mélangés. Moi, j'ai dit, voilà, je sais quoi faire, hein, si vous voulez. Voilà, il a dit, hey, tu es coiffeur, voilà, je peux me coiffer. Voilà. Moi, je me suis fait un peu de sous là-bas, hein, avec un ciseau, avec des lames. Et après 4 jours, le promoteur de foyer, lui, il cherche des gens. Quand il y a une vingtaine de personnes, il fait venir un Touareg qui les amène vers la Libye, quoi. Le promoteur de foyer, il fait ses business là avec les Touareg. Alors, après 4 jours maintenant, il nous avait dit, bon, les gens qui sont prêts, amenez votre argent, il y a un véhicule ce soir pour vous. C'était combien là? 35 000. 35 000 encore. Encore. C'est tout 35 000. Alors, la nuit, c'était le départ. On devait marcher et quitter la ville à pied, aller jusqu'à un endroit, trouver le véhicule là-bas. Chacun a pris son petit sac. Alors, avec le guide, on a commencé à marcher. Pas ensemble quoi. Parce que quand la police nous voit, c'est un problème aussi. On a marché, quitté la ville, on a marché jusqu'à arriver sur des collines, comme il y a plein de montagnes là-bas. Ah oui. Le véhicule était garé quelque part, un peu loin. On est allé, voilà, on est monté dans le véhicule, dans une route clandestine encore. Parce qu'il y a un goudron qui quitte à Tamarafet jusqu'à la dernière ville de l'Algérie qu'on appelle Debdeb. Mais nous, on ne peut pas aller sur le goudron, parce qu'il y a trop de postes. Le guide, il passe avec nous dans le Sahara. On avait fait une semaine comme ça, dans le Sahara. Et on est arrivé un soir, aux environs de 9h. Ils nous avaient montré la lumière. Vous voyez la lumière là, on va vous laisser ici. La première lumière, ça c'est le barrage de la Libye avant de rentrer à Debdeb. La deuxième lumière, ça c'est Debdeb. La troisième lumière, ça c'est le dernier barrage de l'Algérie vers la Libye. La quatrième lumière, ça c'est le premier barrage de la Libye. Le cinquième, ça c'est la première ville de la Libye. Donc au fait, il faut doubler tous les quatre, aller rentrer maintenant au cinquième, en marchant quoi. Donc on essaie de dévier contre la lumière. Donc vous voyez, c'est à pied. Donc on a marché de 19h jusqu'à le matin, on n'avait pas atteint la première lumière. Quand tu vois les lumières au désert, dis-toi que tu as des kilomètres à faire. Dans la journée, on ne voyait plus les lumières. Donc on était obligé de se cacher maintenant dans les montagnes. Donc quand on était caché dans les montagnes, voilà, il y a des bergers qui sont venus nous trouver dans la montagne. Et nous, on avait peur qu'ils allaient dire en ville qu'il y a des clandestins qui sont dans les montagnes là-bas. On avait changé d'endroit, quoi. Dans la nuit suivante, on avait commencé à marcher. On a marché, on est arrivé aux premières villes. On a dévié. On a dévié, comme vous l'avez dit. Maintenant, en déviant le poste de la Libye, on n'était pas très loin du poste, quoi. Il y avait des chiens qui ont commencé à boire. Et ils sont sortis avec les torches. Ils ont commencé à limer. Ils étaient en train de dire en arabe, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais peut-être qu'ils étaient en train de dire arrêtez-vous, on n'a pas voulu. Alors, ils ont commencé à tirer sur nous. Ils ont tiré, il y a un qui a dit ah, il m'a eu dans le noir, quoi. J'étais sur une montagne, je suis monté sur une pierre là, c'est quitté, ça glissait, quoi. Voilà, j'ai commencé. J'étais à la pente jusqu'en bas. Voilà, j'étais en train de tirer dans le vide. Après, les tirs se sont arrêtés, mais ils ont eu certains parmi nous. Hein. Alors, on s'est assis. Il n'y avait plus de bruit, mais c'est le chien qui aboyait maintenant. On a commencé à s'éloigner du poste, quoi. On n'est pas qu'il nous tue là-dessus. Donc, du coup, on s'est dispersé maintenant. Personne ne sait où se trouve l'autre. Maintenant, moi, j'ai commencé à marcher dans le noir seul. J'avais soif, je n'avais plus de l'eau. Maintenant, avant de quitter ici, on m'avait donné, quand j'étais dans notre village, ma mère m'avait donné un truc. C'était un médicament. On met du parfum. Et c'était pour frotter, quoi. Il paraît que ça porte bonheur, quoi. Moi, j'avais tellement soif ce jour-là, j'ai ouvert cette bouteille, je l'ai bu, quoi. Ouais, j'ai mouru de soif. J'ai bu ça. Voilà. Je suis rentré très tôt, à 6h comme ça, à la ville, et j'avais peur de pénétrer la ville de Gadames. C'était la première ville de la Libye qu'on appelle Gadames. Alors, quand je suis rentré, j'ai rencontré un vieux. Il m'a dit, il m'a parlé en arabe, je n'ai pas compris. Il m'a parlé l'anglais, je n'ai pas compris. Il a dit en français, va vers la mosquée, tu vas trouver tes frères africains là-bas. Alors, j'ai commencé à aller, je ne connaissais pas où se trouvait la mosquée. Et j'ai rencontré encore d'autres personnes. J'ai demandé où se trouve la mosquée. Mosquée, tout le monde connaît ça, quoi. Il m'a fait comme ça. Et je voyais le truc long de la mosquée. T'as vu? Ouais. Donc, je suis arrivé vers la mosquée. J'ai trouvé encore un Kassongé. Il venait de Kai. Lui était là-bas. Il m'a vu. Il a dit, ah, vous venez d'arriver. Lui aussi, il est là-bas. Il a son foyer. Lui, il cherche des gens qui viennent là et ils vont chez lui. Et voilà, ça lui fait de l'argent aussi, quoi. Il dit, vous venez d'arriver. Lui, il vit là-bas. En fait. Il vit là-bas, là. Ah. Comme le gars des Tamarassettes là, c'est la même. Il fait son business. Et voilà, moi je n'avais plus d'argent encore, c'était là que mon argent était fini. Ah. J'avais que 5000 francs CFA. Alors moi je lui avais dit, voilà, on était 8, mais arrivé à la frontière là-bas, ils ont tiré sur nous, on s'est dispersé dans le noir, ils ont eu même certaines personnes, mais moi je ne sais pas qui, moi je suis seul pour le moment, les autres je ne sais pas s'ils vont venir après. En tout cas, chacun se débrouille seul maintenant. Maintenant, il m'a amené chez lui. Il m'avait donné du chai, du thé, quoi. Ah. Chaud. Et puis ça. Et il m'avait envoyé à manger du riz. j'ai pas pu manger. J'ai mangé un tout petit peu. Il m'avait dit de me laver. Voilà, ça faisait plusieurs jours que je ne m'étais pas lavé. Tu vois, du Mali jusqu'à Tamanassette là, on avait fait 29 jours. Mmh. T'as vu? Mmh. Donc, du Tamanassette jusqu'à Ngadames, on a fait 9 jours. Mmh. Le 10e jour, on était rentré un vendredi. Voyez-vous? Donc, je me suis lavé. Et voilà, je me suis couché, j'ai commencé à dormir. Les autres sont arrivés après. Mais il y avait, comme il y avait plein de foyers, on n'est pas venus dans le même foyer. Quoi. Mais on était trois dans notre foyer. Mais les gens, là, ils ont eu qu'une seule personne. D'accord. Après, ils m'ont dit ça. Parce que lui, il m'a tué. Mais l'autre, celui qui a été touché par balle. Il a été tué même, quoi. Ah, il a été tué. Voilà, il a été tué même, quoi. Il a été tué. Alors que c'est moi qui étais devant. Quand ils ont tiré. Lui, il était malien aussi. Il était malien aussi. On était tous des maliens. Et au fait, maintenant, moi je suis resté dans la ville, je n'ai plus l'argent pour aller avancer parce que je voulais aller à Tripoli ensuite. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis obligé maintenant de faire n'importe quoi pour trouver de l'argent. Alors, c'était le vendredi, le samedi, je ne suis pas sorti. Le dimanche, il y a une place là-bas, c'est là que tous les Africains se retrouvent le matin. Quand ils ont besoin d'une manœuvre, c'est là qu'on va te prendre, tu vas travailler et le soir on te ramène là-bas. Et là-bas, tu vas chez toi. Moi j'étais en train d'aller, on était en train d'aller là-bas avec d'autres jeunes qui étaient déjà à la ville quoi. Et en route, nous on s'est perdu du chemin quoi. On est allé sortir dans un endroit où sur un camping de touristes quoi. Ils étaient en train de construire une toilette dans le camping là. Mmh. Et ils devraient aller chercher des manœuvres bientôt pour venir travailler. Mmh. Quand ils nous ont vu, ils ont dit voilà, vous voulez travailler? On a dit oui. Le maçon, il était marocain. Il parlait un peu le français. Quand nous sommes arrivés, les autres ne parlaient pas le français. C'est moi qui parlais le français. Alors il m'a dit, vous voulez travailler? Moi, j'ai dit oui. Combien? Il dit, mais nous, on ne connaît pas l'argent d'ici. Combien vous allez nous donner? Vous voulez nous donner? J'ai dit, si vous voulez, on vous donne 15 dinars dans la journée, mais nous, on veut deux personnes. Toi, tu viens, moi. Mmh. Déjà, moi, il me comprend. Mmh. Et tu prends une seule personne avec toi. Il dit, non, c'est toi qui vas prendre parce que moi, je ne peux pas prendre. Mmh. Parce que je ne peux pas prendre un laissé. Voilà. Mmh. Et lui, il a pris le plus costaud, plus moi. Mmh. Alors, on a commencé à travailler avec lui, 15 dinars quoi, par jour. C'était le matin, on a travaillé jusqu'à 18h. Quand 18h est arrivé, il y avait encore des ciments mélangés. Quoi. Et lui, il a voulu qu'on finisse ça d'abord avant de partir à la maison. Mmh. Et l'autre a dit non, qu'il est là, il ne veut plus continuer. Mmh. Il a dit non, continuez, je vais vous ajouter de l'argent. Et lui, il a dit non, il ne veut plus continuer, il est épuisé. Moi, je dis d'accord, moi, je continue. Moi, je suis resté, j'ai continué jusqu'à 20h. Il m'avait donné 20 dinars. T'as vu? Il m'a dit de revenir le lendemain, mais seul. Je suis revenu le lendemain, j'ai travaillé avec lui. Le lendemain, il m'avait donné 20 dinars. Et il m'a dit encore de revenir le lendemain. Je suis revenu le lendemain, le travail était fini à midi. Mais il m'avait donné 25 dinars. Voyez-vous? Donc, il m'avait dit de rester. Que le soir, je rentrerai quand je veux. Quoi. Quand je suis resté, tout d'un coup, environ 16h, il y a un groupe français qui est arrivé. Et tout. Ils avaient des motards, des voitures, des touristes, quoi. Mmh. Oui. Ils voulaient s'installer dans le camping, là. Mmh. Ils ont demandé à ceux qui peuvent installer leur tente. Il y a d'autres qui veulent dormir sur leur voiture. Ils ont les... Mmh. Il y a d'autres qui veulent dormir dans les chambres dedans. Combien ça fait? Le Marocain, lui, il parle le français, mais pas... Il ne comprend pas bien le français de Touba, parce que le Touba, il se retrouve. Tu vois? Et moi, je comprenais tout ce que le Touab disait. Et moi, je le parlais maintenant à ma manière. Lui, il disait maintenant au propriétaire libyen là. En fait, ça s'est bien passé. Et le propriétaire libyen là m'avait trouvé très intéressant, quoi. Et après, quand les Touab là se sont installés, il m'avait demandé, mais quelle est toi, ton spécialité? Je lui ai dit, bon, moi, je suis un footballeur. Je suis arrivé ici, je n'avais pas d'argent. Et pour avancer, c'est pour cela que. Et je suis resté, sinon moi, ce boulot-là, je ne l'ai jamais fait. Je suis obligé de le faire parce que j'ai besoin d'argent. Ils ont dit, voilà, si tu veux, tu vas rester avec nous. Tu es courageux, je t'ai vu, ça fait 3 jours que tu viens. Nous, notre camping, c'est une société ici qui se trouve en Libye, qu'on appelle Wenzelik Tourist Service. Nous avons même une équipe de foot ici, qui joue au 10e division. Tu pourras jouer avec ces jeunes-là et tu pourras travailler ici si tu veux. On va te faire un salaire. Moi, je dis d'accord. Mais il a dit d'accord, mais tu vas attendre. Notre grand chef est allé à Misrata. Où ça? À Misrata. Misrata, c'est une ville de la Libye. Ah, d'accord. Quand il va revenir, on va discuter comme ça. On va voir combien on peut te donner par mois. Trois jours plus tard, il était venu. Alors, il avait expliqué au patron. Le patron a demandé, est-ce que je suis bon? Il a dit, ouais, apparemment, quand il me voit, je suis très courageux, je ne m'énerve pas, je travaille. On m'avait accepté, on m'avait dit qu'on allait me donner 250 dinars par mois. Ça faisait 125 000 francs, CFA. Et en plus, je vais être logé dans le camping. Et quand je serai malade, je vais être amené à l'hôpital pour me soigner gratuit. Ils m'ont dit ça. Je dis d'accord, je vais rester. Je suis allé, j'ai expliqué au propriétaire du foyer là. Lui, il ne voulait pas. Il a dit non, il ne faut pas aller comme ça chez les Arabes, tu ne les connais pas. Moi, je suis ici dans cette ville, il n'y a pas un Africain qui travaille comme ça dans une société. Laisse-moi aller discuter avec eux. Il dit non, laisse, c'est déjà discuté. Parce que je ne voulais pas qu'ils viennent dire des choses pour chacun a sa chance là. Donc moi, je suis allé loger avec les Arabes là. Donc, je travaille avec eux, je mange là-bas, je dors là-bas, et même quand ils ont besoin de manœuvres pour faire certains travaux, c'était plus moi. On me disait d'aller chercher un Africain pour venir faire ce travail-là. Moi, je ne faisais plus le travail difficile. Ouais. Donc, une semaine plus tard, je lui avais demandé, mais où se trouve le terrain de foot? Parce que en fait, personne ne m'avait parlé de ça encore. Il a dit, ouais, on va t'amener, mais attends. Deux jours plus tard, on va m'amener dans le terrain de foot. Alors, il m'a lancé le ballon et j'ai commencé à jongler. Là-bas, les footballeurs, ils sont techniquement, ils sont bien, mais physiquement, ils sont nuls. Tu vois, les footballeurs, ils sont gros comme ça. Un footballeur ne doit pas être gros. Ça veut dire qu'ils savent jouer le ballon, mais ils ne savent physiquement, ils ne tiennent pas, ils ne savent pas courir. Moi, c'était la différence entre moi et quoi. Donc, tout d'un coup, j'étais à l'air meilleur, quoi. T'as vu? Donc... Donc, on m'appelait Ahmed. Ce n'était plus... C'était plus Amadou. Amadou, mais Ahmed. Ahmed. Oui, c'était en arabe, quoi. D'accord. Donc, quand il y a un match, je suis le premier à être classé, quoi. À chaque fois, c'est moi qui amenais des occasions, c'est moi qui marquais les buts. Donc, il y a des jeunes qui me demandaient... Il faut aller en Italie, il ne faut pas rester là. Tu vois, ton talent, il est plus élevé que pour nous. Ici, le foot n'est pas évolué, il faut aller en Italie. Tu seras un grand joueur. Tous les joueurs me disaient ça, quoi. Donc, ça m'encourageait en plus, en fait. Et ils ont envie de voyager, mais ils ne parlent pas autre langue. Tu vois, et moi, je parle le français, mais là, dans le camping, j'apprenais aussi à parler l'anglais, quoi. Parce que là-bas, c'est l'anglais et l'arabe. Il y avait beaucoup de touristes. Il y avait les Allemands, les Italiens, les Français, mais c'est l'anglais qui est plus parlé, quoi. Donc moi, je me suis beaucoup intéressé à l'anglais que l'arabe, quoi. Donc au bout d'une année, je me débrouillais en parler. Comme tu le vois, je me débrouillais un peu. Donc, et j'apprenais vite, quoi. Après, mon patron voulait que je l'apprenne à parler le français. Et le soir, quand on n'a rien à faire, il me faisait venir, le grand patron. Il me demande des choses en français. Quand il me dit ça en français, moi, je lui demande ça en anglais. Il me dit ça. Le lendemain, moi, je lui demandais, et lui, il oubliait, et moi, je n'oubliais pas. Au fait, moi, j'avançais, et lui, il n'avançait pas, quoi. Parce qu'il était un peu vieux, c'était pas facile de mémoriser, quoi. Moi, j'étais jeune, je mémorisais vite, quoi. Et j'étais plus intéressé que lui, quoi. Une année, j'ai fait une année, on m'avait pas versé un seul sou, quoi. J'ai commencé à m'enquêter. J'ai dit, comment? Mais je ne l'ai pas demandé aussi, quoi. Bon, bien avant ça, j'étais tombé malade. Ah oui. J'avais, ma main était enflée. Comme ça, j'avais une maladie qu'on appelle panari, je ne sais pas. Alors, on m'avait amené à l'hôpital. Et on m'avait dit qu'on allait opérer ça. On m'avait donné des pommades de mettre là-dessus. Pendant quelques jours, après, on m'avait amené. Et ils ont opéré ça. En très bonne condition. Et après l'opération, le docteur m'avait donné 3 mois de ne pas faire le sport. De ne pas faire le travail physique, quoi. Et j'étais dans le camping, je ne faisais rien pendant 3 mois, quoi. Mais on ne me donnait pas de l'argent. Une année plus tard, on ne m'avait pas donné un sou. Moi, j'ai demandé. Un jour, le chef m'a appelé. Il dit, mais est-ce que tu as un compte? J'ai dit, non. Est-ce que c'est possible que tu vas à l'ambassade pour faire un compte? Et sinon, si on te donne l'argent ici, est-ce que quelqu'un peut te piquer ça ici? Donc, si c'est possible, que tu ailles à l'ambassade à Tripoli, et tu vas te renseigner si c'est possible de faire un compte. Là, tu mets ton argent dans ton compte. Et voilà. Tu avais déjà eu un compte en banque? Non. Je vais à l'ambassade. Il y a une banque à Bamako qu'on appelle BDM. Il y a une branche qui se trouve au niveau de l'ambassade pour les immigrés, quoi. Mmh. Alors, j'ai dit au patron que c'était possible. Alors, il voulait que maintenant je parte à Tripoli. C'était à 650 km. Mmh. Voyez-vous? Donc maintenant, dans la ville où je suis, nous, les Noirs, pour aller à Tripoli, on ne voyage pas de la même manière que les citoyens. Les citoyens, eux, ils payent 15 dinars pour arriver à Tripoli. Et nous, les Noirs, on paye 60 dinars. Voyez-vous la différence? C'était les Noirs ou les étrangers en général? Les Noirs, nous les Noirs, pas les étrangers, parce qu'il y a les Tunisiens, il y a les Marocains, ils voyagent tous dans leur bus, parce qu'ils sont des Arabes aussi. Ah. Mais nous, les Noirs, on n'était pas... Vous étiez dans un bus à part? Non, on voyageait dans les bus, dans les voitures de marchandises, quoi. Ouais, c'est comme ça, nous, on voyage pour aller à Tripoli. Et moi, notre patron m'avait amené dans la gare de choses, de bus. Quand je suis monté, il a expliqué le problème au chauffeur. Il m'avait fait payer 15 dinars. J'étais monté dans leur bus. Premier barrage, on m'avait fait descendre. On m'avait posé beaucoup de questions. Et je suis remonté. À chaque poste, je descendais. Et je remontais parce que j'étais noir parmi eux tous. Quand je suis arrivé à Tripoli, je suis allé direct. J'ai emprunté un taxi. Je suis allé à l'ambassade. J'ai réglé mon problème et je suis revenu le même jour. Le soir, je suis revenu à la gare de Gadames. J'ai emprunté le car, je suis revenu à Gadames. On est arrivé le lendemain. On est resté à travailler 6 mois encore. Et on m'avait versé cet argent. Je voulais retourner à Tripoli pour mettre cet argent dans mon compte. En fait, quand les gens arrivent comme ça, et moi je fais des petits trucs, je gagne des petits dollars aussi, quoi, en dehors de mon salaire. Parce que quand ils arrivent, il faut faire entrer les bagages dans les chambres, tout ça là, on me donne des petits dollars. Donc je faisais des petites économies à côté, quoi. Voyez-vous, il y avait tout cet argent là, quoi. Donc quand je partais à Tripoli, j'avais 1 500 dollars pour la deuxième fois, quoi. J'avais échangé avec mon salaire, quoi. Plus mon salaire aussi, quoi. Ah oui, ouais, 1 500, ouais. Ça comprenait ton salaire. Mon salaire. Alors, quand je suis arrivé à Tripoli et je voulais aller verser l'argent dans mon compte, j'ai trouvé des jeunes qui étaient en train de parler qu'il y a un passeur qui cherche les gens pour aller en Italie. T'as vu? Tout de suite, moi je me suis intéressé. Alors je me suis approché à eux. Il dit, mais vous avez dit qu'il y a des gens ici, il y a quelqu'un ici qui cherche des gens pour aller en Italie. J'ai dit oui. Et si il y a de l'argent, qu'il cherche 1200 dollars par personne, quoi. Alors que moi j'avais 1500. Alors moi je vais le rencontrer. Alors il a dit bon attends, il va venir. Il était venu. Alors je suis allé le voir. Il a dit ouais, si tu veux, c'est 1200 pour arriver en Italie. Moi je dis ouais, moi je vais aller. Alors que j'étais venu juste pour déposer mon argent. Et j'avais eu cette opportunité. Je voulais pas partir et laisser tout là-bas, quoi. Il a dit le départ c'est à 19h. Je viens, on se retrouve ici. On part, quoi. Tu veux payer quand je serai dans le bateau. Alors, quand je suis revenu à 19h, au fait, moi j'étais là-bas à 19h, celui qui était revenu me trouver. On était au nombre de 4. On est allé dans un endroit, on a trouvé qu'il avait un petit pirogue. On a dit que c'est avec ça qu'on part en Italie. Non, il y a le gros bateau qui est garé à quelques kilomètres d'ici. Tu vois, il amène les gens comme ça, en cachette. 2, 3, 4, 5. Nous, on a été amenés comme ça. Quand je suis arrivé, on avait payé au cours de route, quoi. J'avais payé les 1200 dollars au cours de route sous l'eau. Quand on est arrivé au bateau là, j'ai trouvé un bateau un peu grand, mais c'est pas aussi très gros que ça. Mais j'ai trouvé plein de gens dedans, des Noirs, des Arabes. J'ai eu le pressentiment comme si il allait se passer quelque chose, quoi. Mais comme j'étais déjà là-bas, j'ai dit, mais je vais monter quand même. Alors, je n'avais pas compté, hein, mais ça pouvait atteindre jusqu'à 400-500 personnes. Ouais. Si tu vois. Le bateau, il était grand, comment? Il était grand, mais il avait surchargé. Il y avait des petites chambres en bas. voilà, les petits bateaux. Il y avait des petites, voilà. Des petites fenêtres. Il y avait des fenêtres, oui, oui. Et les gens, ils étaient visibles depuis le bateau. Les gens c'était assis comme ça, ah ouais. Tu vois, couverts comme ça. Ah. Et il y avait des gens qui avaient un peu d'argent qui étaient dans la chambre. Mais ceux qui n'étaient pas l'argent, on était au dehors comme ça. D'accord. Tu vois, il y a une terrasse comme ça, sur le bateau. Voilà. On était là-bas, on est monté. C'était tellement nombré là. On est resté 3 jours encore. Ils ont amené d'autres personnes pour venir ajouter à nous. Vous ne partiez pas pendant 3 jours, vous avez... On est là. Sur l'eau. Sur l'eau. Sur l'eau, oui. C'est le bateau. Le bateau est là. Ils amènent. Au milieu de la mer. À quelques kilomètres de Tripoli, comme ça. Ah, ouais. Ils amènent le jeune dans le petit bateau. Je ne sais pas comment ils font pour faire arrêter le bateau dans l'eau, mais ils avaient 3 jours plus tard. Ils ont dit voilà, on va partir. C'était dans la nuit. On a commencé à aller. Il y a un moment aux environs. Moi, je ne dormais pas, en fait. Il y avait des gens qui étaient en train de dormir. C'était aux environs de 2h, 3h comme ça. On a vu, moi, j'ai constaté que les équipages de bateaux, ils étaient préoccupés, quoi. Ah, oui. Ils faisaient beaucoup de va-et-vient, oui. Va-et-vient, ah. Quoi. J'ai senti qu'il y a quelque chose qui se passe, quoi. Tu vois, c'est le bateau qui était en train de s'affoncer, quoi. Mais on ne nous a pas dit ça. Il y avait un jeune Nigérien à côté de moi. J'ai dit à my friend, il m'a fait comme ça. Il dit, mais il se passe quelque chose, hein, regarde les gens là. Tout d'un coup, on a vu qu'ils étaient en train de se donner le truc là. Les gilets, comment on dit ça? C'est gilet, non? Les gilets de sauvetage. Voilà, ils étaient en train de se mettre ça, quoi, eux-mêmes, quoi. Moi, j'ai dit, on a dit, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit, calmez-vous, tout va se passer bien. T'as vu? Tout d'un coup, on a vu que le bateau, le bordure là, c'était trop proche. Surtout vers le derrière. C'était trop proche. Tout d'un coup, on a vu, l'eau était en train de faire comme ça. Ah, c'était en train de prendre l'eau. Quand les gens ont vu ça, wow, c'était la panique totale. Quand les gens se sont paniqués, ça a précipité. L'eau rentrait en même temps, quoi. Voilà, le passeau a commencé à descendre avec les gens. Les gens tombaient. Wow. Le passeau a commencé à... C'est-à-dire que c'est le devant qui a commencé à se pointer, quoi. Et le derrière a commencé à aller dans l'eau, quoi, au fond de l'eau. Voyez-vous? Et c'était la panique totale. Les gens commençaient à crier. Et ceux qui sont dans les chambres, là, comment ils vont faire? Et dans le bateau, j'avais rencontré quelqu'un que je connaissais à Bamako. Et je connaissais son père et sa mère. Et quand le bateau était vraiment en train de couler, l'un des équipages de bateau, il m'avait lancé un bidon de 20 litres, quoi, vite. Il m'a dit de m'accrocher à ça. Et moi, nous deux, on est allés sur le bidon. Moi, avec un jeune Nigérien. Alors, on était en train de lutter. Chacun voulait avoir le bidon pour lui. Alors, moi, je lui avais donné un coup violent. Il a lâché le bidon. On est tombé tous les deux dans l'eau. Mais moi, j'avais le bidon. Moi, je suis rentré. Moi, je suis allé. Le bidon m'a rejeté. Tu vois? Et j'ai attrapé le bidon dans le truc là. Quand je rentre, je sais pas nager. Quand je rentre, je bois un peu l'eau. Le bidon, il me rejette. Je le sors. Je rentre de l'autre côté. Il me rejette. Tu vois? J'étais en train de lutter comme ça avec le bidon. Les gens étaient en train de crier partout. Oh, ça a crié dans toute langue. Sauvez-nous. Help. Tu vois? En toute langue. En anglais, en français. Et moi, j'étais même au dernier instant de mes forces, quoi. J'allais lâcher le bidon parce que je ne pouvais plus. Le fait de tourner, j'ai bu l'eau salée. J'étais au dernier instant de mes forces. J'avais déjà perdu la connaissance, quoi. Tout d'un coup, quelqu'un m'a appelé. Ils avaient déjà alerté les secours, quoi. Ils étaient en train de venir, mais c'est quand ils voulaient que les secours arrivent avant qu'on sache qu'il y a quelque chose qui se passe, quoi. Mais ils n'étaient pas arrivés vite. Et quand ils sont arrivés, quelqu'un m'avait tiré dans le dos, il m'avait jeté dans leur bateau, petit bateau. Alors. Et l'autre? Quel autre? Le Nigérien. Non, mais ils sont dans l'eau. Tout le monde se cherche maintenant. Tout le monde est dans l'eau. Et le jeune que j'avais vu là, que je connaissais là, lui, on n'a même pas retrouvé son corps. Il y a beaucoup de gens qui sont portés disparus. Beaucoup de personnes sont mortes. Ils ont pu enlever des corps, des personnes vivantes. Nous, quand le matin à l'hôpital, nous on était 17. Nous, on était 17 à l'hôpital. Et il y a eu beaucoup de portes disparues. Beaucoup de corps ont été empêchés. Et ils ont pu sauver. Là où nous, on était 17. Je ne sais pas s'ils ont pu emmener d'autres quelque part. Alors, dans l'hôpital, parmi nos 17 là, il y a un qui était mort là-bas encore. À l'hôpital. Il est décédé après. Nous, on a fait 6 jours à l'hôpital. Septième jour, on avait été amené dans un camp. en attendant à nous rapatrier dans nos pays d'origine, quoi. Là, on était gardés là-bas et voulons nous rapatrier maintenant. La destination était de nous rapatrier tous au Sénégal. J'ai oublié une petite partie là. Tu vois, quand on avait payé l'argent, la destination c'était de l'Italie. Mais quand nous sommes rentrés dans le bateau, on a su que la destination n'était pas l'Italie, c'était à Malte. Ah d'accord, ok. À Malte. C'était à Malte. Mais on pouvait rien, quoi. Okay. Alors, je reviens maintenant. La destination était de nous amener tous au Sénégal. Parce qu'il n'y avait plus de Sénégalais que d'autres pays. Alors nous, personne ne voulait rentrer chez lui. Alors on voulait se sauver, mais comment? Moi j'étais en train de chercher une solution, comment me sauver. Voyez-vous, on était dans leur camp. Et moi j'ai appelé le garde, je dis, est-ce que c'est possible que moi j'aille à l'ambassade, prendre un peu d'argent, je vais m'acheter des choses, quoi. Parce que tous mes choses sont restées dans l'eau, voilà, mon passeport, tout est resté dans l'eau. Mais j'ai mon compte dans l'ambassade. Alors, ils ne m'ont pas écouté. À chaque fois, je chante ça. Je l'ai chanté. Après, ils ont dit, mais où est le papier? En fait, avant de monter dans le truc, moi, j'avais fendu ma ceinture. J'avais plié mes papiers avec les $300 qui me restaient. Et j'avais mis dans ma ceinture comme ça. Même quand j'étais soulevé, c'était dans la ceinture. Ce n'est pas resté dans l'eau, voyez-vous. Mais j'avais ces papiers, j'avais $300 dans le trou de la ceinture. Là. T'as vu? Donc, j'avais enlevé le papier, je l'avais montré. J'ai dit, j'ai une somme à la banque, je voulais aller prendre un peu d'argent pour que je puisse acheter des choses. Tout est resté dans l'eau. Je l'ai chanté. Il a dit, bon, il va dire ça, il va expliquer au chef, quoi. Il est allé expliquer au chef. Le chef a dit non. Et je ne cessais pas de dire quoi. Un jour, le chef m'a dit de venir. Quand je suis venu, il m'a dit, où est le papier que tu as là? Je l'ai montré. Ils ont vu vraiment que c'était un compte que je le fais en Libye. Donc, ils m'ont dit, d'accord, on va te donner des gardes. Tu vas aller prendre ton argent, tu vas venir. J'ai dit, d'accord. On est monté dans le 4x4 double cabine là. Avec des gardes. On est allé à l'ambassade. Ils sont restés à la porte. Moi, je suis monté. J'ai expliqué aux Maliens, ceux qui travaillent à l'ambassade là-bas, comme quoi j'ai été arrêté, on veut me rapatrier. Personne ne m'a écouté. J'ai chanté, je ne sais pas comment faire. On m'a dit, ah, tu es un Sénégalais, ils ont dit qu'ils ne pouvaient rien. Et maintenant, moi, je suis sorti. Mais tu pouvais prendre de l'argent quand même? Non, je n'ai pas pris de l'argent. J'ai enlevé les $300 qui restaient là. Je suis sorti avec ça. Tu pensais obtenir de l'aide, en fait? Oui, en allant c'est tout ce que je voulais faire, quoi. Je n'ai pas trouvé l'aide et il n'y a pas une autre porte pour sortir pour ma fille. Je suis sorti avec les $300 en main. Ils ont dit, tu as eu l'argent? J'ai dit oui. Je suis remonté dans leur truc. Dans leur truc, on partait. On passait devant un supermarché. J'ai dit, mais voilà, je vais acheter des choses ici. Ils sont partis, après ils sont reculés. Ils sont venus s'arrêter juste à la rentrée du supermarché. Moi, je suis rentré. J'étais en train de regarder les choses là. Il y avait des étagères comme ça, le supermarché. Je suis allé m'arrêter derrière une étagère. Je les regardais par les fenêtres, quoi, dans un petit trou. Ils ont attendu un moment, on ne me voyait pas. Il y en a un qui est rentré. Et moi, je le voyais, mais lui, je ne sais pas où j'étais. Quand il vient là, moi, je tourne là-bas. Quand il vient là, je tourne. Et l'autre aussi attendu. Il ne voyait pas l'autre, lui aussi, il est rentré. Moi, je les ai laissés là-bas, ils sont sortis comme ça. À la porte, j'ai arrêté un taxi. Je n'avais même pas de dinar pour payer le taxi. Paf, j'ai demandé au taximan de m'amener à la gare de Gadames. Il m'a amené à la gare de Gramé, c'était aux environs de 14h. Je voulais maintenant aller... Retourner là-bas. Ah oui. Parce que, en fait, je n'avais pas dit à quelqu'un comme quoi, qu'est-ce qui était passé. Alors, tu voulais retourner là où tu avais le camping et tout. Justement, oui. Alors, pour reprendre mon travail, quoi. Alors, je suis allé à 14h. Ils ont dit que le départ, c'est à 19h. Ils disent, d'accord. Je paye. Le taxman a dit, mais tu me payes? Il dit, je n'ai pas d'échange. Si tu peux échanger, il a dit, normalement, 100 dinars, ça faisait 150 dinars, ça faisait $100, quoi. Il m'a dit que lui, il me fait ça à 100 dinars, 100 dollars. Quand il m'a donné les $100, je n'avais pas le choix. Je lui ai donné 5 dinars et je suis allé payer le bus pour le Gramès. J'étais assis dedans jusqu'à 19h. Le 19h, le bus avait démarré. Je suis arrivé le lendemain matin à Gramès. une semaine plus tard, ça commençait à me traumatiser, quoi. J'ai commencé à faire des cauchemars dans la nuit. Quand je suis arrivé à Damas, je n'ai rien dit à quelqu'un, qu'est-ce qui était passé. Mais une semaine plus tard, ça avait commencé à percuter sur moi. Ah oui. C'est ce que j'avais vécu, quoi. J'avais commencé à faire des cauchemars bizarres. Je me réveillais brusquement dans la nuit. Souvent, je suis assis, on m'appelle, je te vois, mais je ne te réponds pas. J'ai l'esprit ailleurs. Je vois maintenant qu'est-ce que j'étais en train de vivre, quoi. Mmh. C'est là que je vois le vrai danger que je courais, quoi. Mmh. T'as vu? Alors, on m'a trouvé très bizarre. Le chef m'avait amené à l'hôpital. Il dit, dans ces derniers temps, il me trouve très bizarre. T'as vu? Et alors, le docteur m'a demandé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Je dis, rien. Et ils ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, rien. Et il a dit au chef de partir et me laisser à l'hôpital là-bas. Mmh. Alors, ils avaient fait venir un vieux Ukrainien, quoi. Ukrainien, d'accord. Oui. Il parle le français, l'anglais et l'arabe. D'accord. Il m'avait fait rentrer dans une chambre. Il me parlait en français. Il dit, qu'est-ce que tu as? Il dit, rien. Si tu ne dis pas, on ne peut rien faire pour toi. Mmh. On ne peut pas t'aider. Mmh. En fait, moi, j'avais peur de dire, pour ne pas qu'on me ramène et me rapatrier, quoi. Alors, il a dit de lui dire, il peut m'aider. Je lui ai expliqué un peu. Il a attrapé sa tête. Il dit, t'as fait ça? Et en fait, ils ont entendu à la radio. Ah. Et puis, tu vois, ce truc-là, ils ont parlé à RFI. Mais ce n'est pas la vraie version qu'ils ont dit. Ah bon? Ils ont parlé ça légèrement. Ah, d'accord. Mais ce qui s'est passé réellement, ce n'est pas ça qu'ils ont dit. Ah. Parce qu'en fait, personne ne savait combien de personnes qui étaient là-dedans. C'est vrai. Mais la vraie version, ils n'ont pas dit ça. Et c'était, on était à quelle époque? On était quand, tu peux... La date à peu près. C'était en 2000. C'était en 2000. Quel mois? En 2000, moins de... Si je ne me trompe pas, c'était vers la fin quand même. La fin de l'année? Ouais, c'était vers la fin de l'année quand même. Voyez-vous? Est-ce qu'on peut arrêter là, comme ça? Non, non, non, non.